ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 9 novembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal est réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir, ici Martin Pelletier pour ce journal de la liberté, libre journal de la liberté surveillée. On commence ce soir par le club de la presse. J'ai invité Jeanne Smith, Jérôme Bourbon, qui sont tous les deux un peu en retard parce que quand on travaille entre amis et entre bénévoles, et bien il se trouve qu'il y a des gens qui ont du travail à faire, beaucoup de travail à faire, même et notamment, je crois, un procès. Et puis il y a heureusement la meilleure, Camille Gallic, qui est là pour parler. La plus rare aussi. tout ce qui est rare est cher. On va parler pour commencer de politique étrangère, bien entendu, et du sujet qui me paraît assez difficile d'éviter aujourd'hui, c'est-à-dire de l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis d'Amérique. Alors, Camille, pour commencer, une question toute bête, ça a quand même été une grosse surprise, semble-t-il, pour les sondeurs et pour les analystes politologues stipendiés, non, cette élection. Et pour vous ? Ça a été, oui, non, je pense que ça a été une surprise pour tout le monde, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est l'ampleur de la victoire. C'est-à-dire ? C'est le nombre d'États qu'il a emporté, et le nombre, il a 278 grands électeurs contre 217 à Hillary Clinton. Donc une victoire pratiquement écrasante. C'est éclatant comme victoire. Alors, et ça, personne n'avait prévu, même les sites favorables à Trump n'avaient pas du tout prévu cette victoire écrasante. Alors, le chroniqueur, le correspondant du Figaro à Washington, qui est Philippe Joly, je crois, disait qu'on a, c'est un choix, un euphémisme, mal mesuré la colère de la classe moyenne blanche. C'est comme ça que vous voyez les choses aussi ? Oui, et je pense que ce qu'on a mal mesuré, c'est que cette colère a été exacerbée par le racisme dont a fait preuve tout au long de sa campagne Hillary Clinton, qui s'est systématiquement adressée aux minorités, aux hispaniques et aux noirs. Oui, ça c'est le rançon de sa stratégie, de la stratégie du Parti démocrate, parce que déjà en 2008 et en 2016, si je vous allez me dire si je me trompe, mais il me semble bien me souvenir que Barack Obama avait été battu dans la majorité des Américains, la majorité, c'est-à-dire la majorité blanche, et avait été nettement élu par les minorités. Voilà. Donc c'est la stratégie démocrate, ça. Tout à fait, et qui a été encore exacerbée par, Clinton. Et je pense que ça a été d'autant plus mal ressenti que tout de même, elle est la femme d'un ancien gouverneur de l'Arkansas. Oui, c'est-à-dire d'un État sudiste, plus ou moins, donc c'est une double trahison, en quelque sorte. Elle a trahi le Sud et elle a trahi l'Amérique, en quelque sorte. Et elle a trahi l'Amérique. Et elle a été sanctionnée, ce que personne n'attendait, comme vous le disiez, à ce point. À ce point. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Une mobilisation des absents ? Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder de près le scrutin. Est-ce qu'il y a eu une mobilisation des abstentionnistes ? Oui. Il y a eu, absolument, il y a eu la mobilisation des abstentionnistes est surtout des jeunes Américains blancs. Qui d'habitude sont assez, ne votent pas beaucoup. Tandis que cette fois-ci, ils se sont mobilisés. Il y avait un homme neuf, il y avait quelqu'un qui parlait leur langage, qui faisait le spectacle. Donc, leur vote a été beaucoup plus important que d'habitude. Et inversement, du côté démocrate, je pense qu'il y a eu pas mal d'abstentionnistes, de ceux qui avaient, lors de la primaire démocrate, voté pour Sanders. Bernie Sanders, voilà. Qui était un homme de gauche, lui. De gauche, mais affirmé. Affirmé. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas voté pour la candidate des lobbies, en quelque sorte. Voilà. La candidate de Wall Street, la candidate du... Voilà. Donc, elle a perdu sur ses deux ailes, en quelque sorte. Oui, oui. Et Trump, lui, au contraire, a fait le plein, alors qu'on disait que ces dérapages, que ces excès, que ces sottises, que ces mensonges allaient lui le faire perdre. Ça veut dire que la diabolisation, finalement, ne marche pas. Et surtout que la dédiabolisation est une mauvaise stratégie. Voilà, Marine Le Pen a immédiatement félicité, elle a eu tout à fait raison, Donald Trump. Mais je pense que la campagne de Trump devrait lui montrer qu'on ne gagne rien à aseptiser son discours. Trump, c'est l'anti-marine, c'est plutôt super Jean-Marie, un peu. Oui, je pense qu'il a plutôt joué... S'il a eu des référents, ça serait plutôt Jean-Marie, je pense. Et il rappelle quelqu'un en France qui, n'étant pas du tout révolutionnaire ni populiste au fond, prend cette posture actuellement pour essayer d'emporter la primaire de droite. C'est Sarkozy qui D'ailleurs, Sarkozy a également saluer la victoire de Trump. C'est en rupture, si vous voulez. Vergès parlait de procès de rupture. Là, délibérément, Trump a adopté une politique de rupture. Alors, est-ce que, une fois qu'il son discours de président a été beaucoup plus consensuel, on verra à l'usage. Il faut dire que les bourses ont bien remonté après le discours de président. Hein. Oui, oui. Elles avaient dévissé de 8% en Asie ce matin. Oui, très tout tôt, à hein. fait. C'était l'affolement général, d'ailleurs. Ce qui explique un peu ce qu'est la bourse et qui était Hillary Clinton aussi. Oui, oui. C'est-à-dire le candidat de l'argent, le candidat du mondialisme. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, enfin, c'est quand même une proche de George Soros. C'est Soros qui avait fourni, enfin, un associé de Soros, un associé anglais de Soros qui avait fourni les machines à voter. Et dans le camp Trump, on redoutait justement qu'il y ait des entourloupes derrière ces machines. Enfin, et finalement, elles ont marché correctement. Apparemment, elles ont marché, oui. Bon. Est-ce que justement cette défaite de Hillary Clinton peut être signalée comme la défaite du mondialisme À l'évidence, c'est la défaite de du mondialisme apaisé, comme dirait Juppé. Le mondialisme qu'on lisse et dont on ne veut surtout pas montrer les certains résultats catastrophiques. Allons plus loin. Et qu'est-ce qui peut avoir comme conséquence? J'ai rarement vu un système puissant accepter une défaite sans réagir. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se passer? Je pense que le mondialisme, enfin tout le système sous lequel quand même on vit maintenant depuis des décennies, est un formidable édredon. Et donc, il ne va rien se passer ? Il ne se passera, à mon avis, rien spectaculairement. Il va y avoir des quantités de réactions, mais de réactions... subreptices et infinitésimales. Oui. Et alors, donc... Mais qu'il n'a absolument pas déposé les armes. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Que peut faire pratiquement... on n'est pas là pour tirer des plans sur la comète, ni pour faire des pronostics, mais quand même, c'est intéressant. Quelle peut être la stratégie de Donald Trump ? Qu'est-ce qu'il peut... D'abord, qu'est-ce qu'il d'abord, veut ? D'abord, comment va-t-il avec... Bon, c'est quand même très important, parce que les républicains avaient terriblement peur que ce candidat... populistes ne les privent de leur siège au Sénat et à la Chambre des représentants. Or, ils ont toujours la majorité. Trump n'a absolument pas... Au contraire, ils ont maintenant tous les pouvoirs. Au contraire, semble avoir gonflé les votes pour le renouvellement des chambres. Alors ça, ils sont en dette pour le moment avec lui. Mais je pense que les McCain, les Ryan, etc. ne vont pas s'incliner. Ryan l'a félicité quand même, ce qui est c'est la bonne des choses. Tout de même, Hollande s'en est tenu aux félicitations démocratiques, ce qui est énorme, enfin. Oui. Je lui dois les félicitations que l'on se doit entre deux présidents démocratiques. Vous savez, est-ce que vous avez, vous avez vu l'anecdote qui est quand même assez significative, représentative de ce que c'est que l'Élysée aujourd'hui ? L'Élysée n'avait préparé qu'un modèle de félicitations. C'est celui pour Hillary Clinton. Ce qui fait qu'il a dû se rattraper à toute vitesse, le service diplomatique. Voilà. Mais ils sont complètement... Mais c'est la réaction de notre ambassadeur à Washington aussi. Ah oui, racontez. Gérard Harrow, qui est polytechnicien et narque, et qui a été d'ailleurs le premier ambassadeur à faire... a dévoilé son homosexualité, ce qui lui avait valu des articles enthousiastes, évidemment, dans la presse new-yorkaise. Il avait même eu droit à un article interminable et très laudatif dans Vogue en 2014. Mais enfin, sa première réaction est de dire que le séisme, c'est l'effondrement de notre monde. Donc, c'est ce qu'elle aveu, enfin. Qu'elle aveu. Et puis alors, si je puis me permettre, donc, il est de politique, il est énarque, mais il a plus d'esprit de géométrique, d'esprit de finesse. Pour un diplomate, c'est tout de même assez surprenant. Ça me paraît, oui. Oui. Alors, justement, j'ai lu dans cet article de Vogue qu'il avait dit qu'on n'était plus, quand on lui demandait comment avez-vous eu le magnifique courage de faire votre coming out, je ne mets pas une pièce puisque je cite, et il avait dit mais nous sommes au 21e siècle et nous n'en sommes plus à la diplomatie qui se nourrit de platitudes. Oui. Peut-être aurait-il mieux valu qu'il s'en tînt aux platitudes. Il se nourrit un peu plus de platitudes. Alors, je vois que Jeanne Smith arrive et nous allons la saluer. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Jeanne. Il est trop tôt pour qu'elle puisse encore répondre. Je m'approche d'un micro, mais ce n'est pas le bon. Bonsoir. Oui, on est donc en train de parler évidemment de l'élection de Donald Trump qui a surpris même tout le monde, comme le disait justement Camille Gallic, pas seulement les augures officiels, pas seulement les instituts de sondage, mais également tout le monde, l'ampleur de sa victoire nous a tous surpris. Et vous aviez prévu cette déferlante Trump ? Je n'ai aucune prétention à prévoir les événements qui ne se sont pas encore produits, mais cela dit, j'avais écrit un papier dans Minute, il y a une semaine, pour indiquer que les sondages étaient en réalité déjà en train de remonter pour Trump. Il a eu son gros creux après l'histoire de la vidéo où il parlait en termes très, très peu courtois d'une dame. Et là, il avait effectivement accusé le coup, mais il était remonté, il était en train de remonter lorsqu'il y a eu l'affaire des emails, des courriels. Oui. Des courriels de Hillary Clinton, non pas les anciens, mais une nouvelle série qui devait être soumise à la justice, 650 000 courriels. Et on a dit, bon, c'est ça qui l'a fait remonter à ce moment-là. Mais en fait, il était déjà sur une pente ascendante qu'on avait très clairement vue. Et il était aux alentours de 48-49% dans certains sondages. Mmh. On voyait déjà un mouvement s'amorcer. Et il était et très évidemment lié à la personnalité de Hillary Clinton, sa personnalité elle-même, avec tous les scandales qui s'attachent à elle. Et puis avec les soucis des Américains qui voient les cotisations de l'Obamacare augmenter rapidement et qui ont, je crois, réagi comme on pouvait commencer à s'y attendre. Je ne dis pas qu'on pouvait le savoir, mais je pense qu'on pouvait déjà le croire possible. Oui, effectivement, on pouvait le croire possible, c'est ce que Camille aussi pensait. En revanche, ce qui m'a un peu surpris, moi, ce qui m'a moi-même surpris, pourtant je pensais à la victoire de Trump hier, on en parlait, mais en revanche, on ne s'attendait pas à l'ampleur de ce mouvement. Enfin, quand même, Camille l'a parlé tout à l'heure, 278 grands électeurs. Et 218 seulement pour Donc, Clinton. C'est une claque. C'est vraiment une claque. Est-ce qu'on peut dire que Hillary Clinton est la plus mauvaise candidate de ces dernières années? Est-ce que le système va la sanctionner? Alors là, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ce matin, j'écoutais CNN, et je regardais la télévision, donc, américaine, et là, on commençait déjà à évoquer la question de la fondation Clinton. Est-ce qu'elle allait pouvoir continuer d'exister? Parce qu'il y avait eu quand même un certain nombre de scandales qui ont été révélés au cours de la campagne. Donc je crois qu'il y a réellement eu énormément de scandales touchant Madame Clinton, sa famille et sa fondation, et les millions et centaines de millions de dollars brassés qui rendent son avenir politique, en tout cas, difficile. Et l'ex-futur prince consort? C'est-à-dire oui, déjà, il était. Peut-être ces conférences seront-elles moins rémunérées. Oui, parce que là, il avait chez lui, c'était vraiment une parole d'or. On peut dire. Oui, la parole est d'or. Mais Jeanne a raison. Je pense que maintenant, les médias vont être très sévères avec Hillary, et d'autant plus que Hillary les a induits, enfin, qu'ils se sont laissés avoir par elle, enfin. Ils sont auto-intoxiqués tous ensemble. Oui, non, mais ça montre que, justement, la puissance d'auto-intoxication des médias. Alors, on dit ils nous intoxiquent, c'est vrai, mais ils nous intoxiquent parce qu'ils s'auto-intoxiquent eux-mêmes. Enfin, c'est quand même énorme que le tweet du Point lundi, annonçant un article de Bernard-Henri Lévy, pourquoi Trump ne peut pas gagner. Oui, ben lui, c'est un spécialiste. Oui, non, mais le point l'a repris à son compte. Oui. Et Gisbert avait écrit que ça serait une catastrophe absolue, mais que, à la vérité, c'était une catastrophe qui était tellement hypothétique que... Une hypothèse d'école. Pour être tout à fait honnête, moi, il y a un an, je n'aurais pas misé un centime sur Trump. Moi vraiment. Non plus. On en avait effectivement déjà parlé. Mais il se présidentialise. J'ai remarqué qu'il s'était fait faire un rinçage. Ses cheveux sont presque blancs maintenant. Ah, vous faites attention aux cheveux, c'est le décryptage politique de la chevelure. C'était quand même, cette chevelure orange était tellement... Elle n'était pas présidentielle, il faut dire le mot. Tellement surprenante. À la fois... Or, j'ai regardé et j'ai vu que ses cheveux avaient pris une couleur plus normale. Un président normal. Comme les gorilles dont le dos devient argenté. Dans la nuit où ils sont chefs de bande. Ah bon? Ah oui. Ah non, c'est je l'ignore. Les dos noirs, ce sont des gorilles comme vous et moi, si j'ose dire. Mais le mâle dominant, son pelage du dos devient argenté. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour Trump. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi en regardant ce matin CNN. J'ai écouté le discours de Trump qui était... très conciliateur. On sait beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Pardonnez-moi, je suis arrivée trop tard. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'issue de cette prestation, On a vu les personnes qui étaient sur le plateau, et même ces personnes qui étaient très manifestement favorables à Hillary Trump, Hillary Clinton, je les ai vus, mais changer radicalement, d'une seconde à l'autre, ou presque, disant, eh bien, quand même, Trump, il a fait ce qu'on lui demandait de faire, rassembler les Américains, appeler à l'unité, se présenter comme le président. Vraiment, on ne s'y attendait pas, mais il a été bon, et ça a été avec une certaine révérence, mais c'était à mourir de rire. Je ne sais pas s'ils estiment qu'il y a des places à prendre, je ne pense quand même pas, mais il y avait un revirement qui était très très très rigolo. Mais à l'inverse, oui. Alors oui. Mais de toute manière, que ce soit les Américains, j'avais regardé aussi sur Internet, à la BBC, où il y a eu, et puis les commentateurs français, il y a eu un basculement. Enfin, je crois que ça a été, pour eux, ça a été une claque formidable. Et enfin, qui correspond aussi au basculement de la bourse qui s'est retournée. Mmh. Actuellement, la bourse a fini en haute, nette hausse sur les places européennes, quand même. Donc, mais est-ce que ça veut pas dire aussi que justement le système anticipe le fait que Trump va se normaliser. Et la question a commencé, mais justement là on peut... Il sera sûrement obligé de se normaliser. Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, J'espère qu'il se normalisera le moins possible. D'accord. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il peut entreprendre et qu'est-ce qu'il veut entreprendre? Alors, si on le prend au mot, son discours de cette nuit, donc de ce matin pour nous, était de dire « je vais engager une politique, de grande politique d'infrastructure » qui est finalement ce que désirent les grandes banques centrales, c'est très paradoxal. « Je vais mettre des millions d'Américains au travail, nous allons construire des ponts, des routes, des hôpitaux ». Donc il est néo-keynésien un peu. Oui, un peu. C'est vraiment étonnant. C'est ce qu'on a parlé de projet keynésien. Voilà. Et on a seulement donc... encore faut-il qu'il prenne les mesures nécessaires pour que ces grands travaux ne soient pas le fait de nouveaux immigrés. Sachant que lui-même a été très contesté, de manière, à mon avis, tout à fait juste, dans la mesure où, pour ses derniers projets immobiliers, il a importé de l'acier chinois. Alors que la Chine a une politique de dumping, pardon, radio courtoisie, mais c'est le mot, a une politique de dumping terrible, et il s'est fourni en Chine. Parce de que c'est vente moins cher. Au-dessous du coût de revient. Mittal le dit assez d'ailleurs Mittal a dit qu'Arcelor était ruiné par le dumping chinois. Voilà. Fait l'objet de grandes manœuvres à la Commission européenne. Mais tout ça est à prendre en ligne de compte. Mais vous parliez de l'immigration, Camille Gallic. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas assez dite à propos de Donald Trump. Certes, il a été élu par ce qu'on appelle, je vais traduire, la ceinture de rouille des États-Unis, c'est-à-dire tout le gros centre où vous avez les gens ordinaires, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, on peut parler d'Américains de souche, mais en même temps, il a été élu par une proportion inédite de Noirs et de Latinos. Et ça, c'est quand même... sont-ce eux qui ont fait la bascule? C'est possible, parce que ça a été remarquable par rapport à 2012. Alors, mais la question, est-ce qu'on peut aller plus finement dans l'analyse, c'est se demander si ces Noirs et ces Latinos ne sont pas des Américains déjà intégrés qui s'inquiètent de la poursuite de l'immigration. Mais très probablement. Oui. Et il y a un autre facteur, c'est que Trump, avec beaucoup de zigzags et d'oscillations, est apparu tout de même comme le candidat pro-vie. Alors que Hillary Clinton est une fanatique de l'avortement. C'est et son vice-président était très pro-vie. Et son vice-président Mike Pence l'est aussi. Donc on peut imaginer qu'un public d'hispaniques, quand même chrétiens, catholiques pour la plupart, ont pu voter en ce sens. Donc tous ces facteurs sont entrés en ligne de compte. On a un vote qui est intéressant et qui a été très large. Comme qui est un vote. Mais il faudra voir aussi le pourcentage de vote des femmes, parce que Clinton avait tout axé aussi sur les femmes, le plafond de verre, etc. Mais enfin, je suppose que parmi dans cette Amérique, que la ceinture de rouille, justement, qui se sent déclassée, ruinée, etc., il y avait un certain pourcentage d'électorat féminin aussi. Donc, que le sort du pays et le sort de leur famille est passé avant la condition féminine. Donc, vous voulez qu'il n'y a pas seulement des petits blancs, mais des petites blanches. Des petites blanches. Oui, et des petits noirs, et des petits latinos. Et voilà, et tous les petits. Les petits contre les gros. C'est-à-dire, oui, je crois que Martin, il y a ceux qui sont installés de plus longue date et qui n'ont pas envie que des latinos, enfin des chicanos, ils n'ont pas envie de subir un nouveau tsunami venant d'Amérique latine. Il est clair d'après aussi bien... Et puis il y a eu les Asiatiques sûrement qui ont voté très largement pour Trump. Alors il n'y en a pas beaucoup, mais enfin il y en a quand même. Les Coréens, il y en a un certain nombre... Donc, pour synthétiser, c'est un vote d'ensemble, de colère, et surtout un vote réactionnaire, aussi bien pro-vie qu'anti-immigration. Donc, et puis, c'est un vote contre. Je pense qu'il ne faut pas négliger cette part de la chose, parce que Donald Trump a ses côtés peu appétissants, et que tout le monde les a vus. Pour certains, ils sont encore moins appétissants que pour d'autres, mais ceux-là ont considéré que Hillary Clinton était impossible. Donc moins appétissants. Encore moins appétissantes. Oui, alors, mais tout ça, ça fait donc à la fois un vote de rejet et un vote réactionnaire, mais ça va obliger le candidat. On parlait d'immigration, il faut quand même venir là-dessus, puisque, bon, admettons qu'il y ait des grands travaux, qu'ils soient mis en route, ok, et il y a besoin... Mais financé par qui ? C'est intéressant à dire aussi. Ça, c'est une question sur laquelle on va venir, mais le premier aspect, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est de dire que si on refuse si Donald Trump renvoie, comme il en a fait la promesse, les 11 millions de clandestins mal régularisés, on ne sait pas exactement combien, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il peut tenir sa promesse là-dessus ? Parce que j'ai lu dans le New York Times, il y a 4 jours, que certains journalistes du New York Times se sont vantés qu'il leur aurait dit « off » qu'il ne tiendrait pas ses promesses en matière d'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez l'une et l'autre ? Tiendra-t-il, tiendra-t-il pas ? Peut-il le faire, ne peut-il pas le faire ? Voilà, comment c'est... Allez savoir une fois de plus, mais ce que l'on a constaté tout au long de la campagne, c'est qu'il y avait une certaine, j'ai parlé tout à l'heure d'oscillation dans ses promesses. Je pense que c'est un homme de marketing, de mise sur le marché contre l'argument le plus vendeur, pour dire les choses en français. Et je pense qu'il est très difficile justement de savoir ce qui sera fait dans la réalité. Et on est dans une situation, vous parliez tout à l'heure de la possibilité de confisquer de cette victoire. Nous avons vu comment le référendum français sur l'Union européenne a été confisqué. Aux Pays-Bas, c'est pareil. Le Brexit est aujourd'hui sous le coup d'une procédure absolument ahurissante. C'est pourquoi je pense que l'on peut vraiment tout imaginer. Est-ce que vraiment il va renvoyer 11 millions de personnes ? Moi, j'aurais tendance à dire non, je ne le crois pas. Non, je ne crois pas non plus, parce que l'histoire des travailleurs mexicains, ça fait, on en parle depuis la campagne de Goldwater dans les années, c'était 60. 60, c'est des poussières. À la différence qu'il n'a pas été élu, Goldwater. Non, alors il a été, voilà. mais enfin, je veux dire, il avait posé, il était sénateur de l'Arizona. Il posait déjà le problème des clandestins mexicains. Bien. Qui s'est reposé, que Reagan avait promis de régler. Il ne s'est pas passé grand-chose pendant les deux mandats, pendant les deux mandats successifs. De Reagan. Donc, tout ça, à ce moment-là, ça veut dire que le système mondialiste peut très bien utiliser sciemment Trump comme pédagogie du fait que le rêve des Américains, et d'ailleurs de tous les peuples du monde, est un rêve impossible. Ou alors, ça va tout simplement apporter la preuve qu'il est très difficile, dans un cadre d'élection démocratique, de faire de grands changements. Je crois que c'est vrai, avec ou sans les mondialistes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mondialisme est un édredon. Il encaisse les coups et les échecs apparents, et il récupère, enfin, le... Parce que il a de tels moyens de pression et de... C'est-à-dire que concrètement, si Donald Trump avait la volonté ferme de régler le problème des immigrés clandestins, qu'est-ce qui l'empêche de le faire, concrètement? Est-ce qu'il y a des questions financières, des questions juridiques? Est-ce qu'il y a un corps de juges qui l'en empêche? Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Vous savez, pour Reagan, ça avait été les producteurs de salades et citrus, beaucoup. Oui. Oui, je pense qu'il y a, toute la difficulté de mettre les choses en œuvre concrètement, même si elles sont faites faciles à imaginer. Et il y a un autre fait, vous parliez, Martin, des juges aux États-Unis. On sait très bien que nombre de décisions, nombre de lois, nombre de décisions sont retoquées par la Cour suprême. Or, là, je crois que Trump a quand même une carte à jouer. La question reste donc de savoir s'il veut la jouer, c'est la nomination de nouveaux juges, parce qu'il y en a, il y a un siège vacant, celui d'Antonin Scalia, qui est mort au début de l'année et qui n'a pas été remplacé par Obama, même si Obama avait menacé de le faire. C'est un juge très conservateur, très pro-vie, très attaché au respect scrupuleux des compétences limitées de la Fédération américaine des États-Unis, qui est mort. Et celui qui le remplacera va jouer un rôle extrêmement important. Et d'autres juges sont déjà assez âgés. Et au cours de son mandat, Donald Trump va avoir à en remplacer donc au moins un, qui est déjà mort, et peut-être plus. Et là, il va peser très lourdement, parce que la Cour suprême a aujourd'hui un poids sur la vie politique et sur les décisions américaines qui est totalement démesuré et qui va dans le sens totalement libéral au sens américain, c'est-à-dire totalement gauchiste et fédéraliste. Donc il a un coup à jouer qui est extraordinaire, un peu comme si notre président, le président qui sera élu en France, pouvait à la fois mettre de l'ordre dans le Conseil d'État et dans le Conseil constitutionnel à la fois. Voilà, à sa manière. Nous ne pouvons pas le faire. Ouais, un président français ne peut pas le faire. Oui. Donc c'est quand même... c'est donc plus facile pour Trump que pour un éventuel... pour Marine Le Pen s'il était élu, par exemple. Je pense, oui. Je ne sais pas ce qu'en pense Camille Kalik. Pas quels sont les... Si on a des juges au Conseil constitutionnel dont le mandat arrive, qui ont effectué leurs 9 ans... Mais il y a aussi une moindre emprise du Conseil constitutionnel sur la vie politique française. C'est pour ça que je dis à la fois le Conseil d'État, le Conseil, et sur le Conseil d'État, les nominations sont plus longues. Voilà, d'autant plus. Ce qui a été catastrophique avec le Conseil d'État, c'est que tous les politiciens, enfin les apparatchiks politiques qui ont été casés au tour extérieur au Conseil d'État, et qui ne sont absolument pas juristes, et qui ont donné aussi un tour très politique au Conseil d'État, qui n'a cessé de s'éloigner du droit. C'est le propre du Conseil d'État, c'est d'être, en matière administrative, la juridiction suprême, mais d'être en fait une domination politique. Et on sait très bien que le Conseil d'État, notamment en matière d'immigration, par les arrêts Gysty, par exemple, a fait évoluer la jurisprudence française en faveur du lobby immigrationniste, c'est clair. Et c'est pour ça que je trouve que justement, aux États-Unis, la forme des institutions des États-Unis leur permet au président, disons, d'aller plus vite et plus fort s'il en a envie. Et de laisser une trace durable qui sera encore là après son départ. Or, Donald Trump a clairement dit qu'il était là pour 4 ans, voire pour 8. Bon, eh bien, on va voir s'il va commencer à vouloir agir en matière d'immigration. Ça sera un bon test. Alors, on fait une première pause pour faire quelques annonces. D'abord, la lecture d'un, d'un auditeur qui nous dit, qui nous rappelle, que Nicolas Sarkozy avait dit en septembre dernier qu'il souhaitait la victoire d'Hillary Clinton face aux républicains de Dalton. Bien entendu, mais n'empêche que comme c'est un bon opportuniste, il a raison. Convaincu que les gens ont la mémoire très courte. Et il a raison. Il a donc salué la victoire de Clinton. Alors, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, avec Jeanne Leclerc, le club de la presse, avec Jeanne Smith et Camille Gallic. Deux, trois annonces. On me prie d'annoncer le village de Noël, le village d'enfants de Riaumont, samedi 10 décembre de 16 à 22h30, rue Thiers, 62 800 à Liévin, avec des spectacles de son et lumière et de marionnettes et une crèche vivante. Également le deuxième forum de la dissidence, le samedi 19 novembre 2016, à 13 quai de Grenelle, Paris, espace Cap 15, ouverture des portes à 13h30, inscription sur www.weezevent.com. Vous avez facile à c'est pas la peine que je le dise, parce que personne ne s'en souviendra. Enfin, si elle décrypte le thème, c'est décrypter, désobéir, agir, tout un programme. Donc le samedi 19 novembre 2016, le deuxième forum de la dissidence pour ceux que cela intéresse. Continuons sur Donald Trump. Donc, à part le programme de reconstruction, de grands travaux finalement, et d'éventuelles actions sur l'immigration, a-t-on déjà une idée de ce qu'il prépare ou pas ? Est-ce que, finalement, la question que vous souleviez, Jeanne, tout à l'heure, est une vraie question, parce qu'il a tellement oscillé au cours de ses campagnes. Finalement, c'est une question de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'objet non identifié Trump ? Excellente question. Et moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi les Américains lui ont fait confiance. Parce que finalement, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, en lui octroyant les clés du pouvoir, je crois qu'il correspond, il s'est situé sur un plan très matériel, très économique, avec sa richesse considérable qui aurait pu susciter l'envie, mais qui a suscité, je pense, qui a réveillé un rêve américain de prospérité avant tout, d'arriver, de se faire tout seul. Alors certes, Donald Trump a eu son premier million, c'est comme la vieille histoire, on demandait, je crois que c'était à Ford ou à Rockefeller, comment êtes-vous devenu riche ? Eh bien, j'ai acheté une pomme, $1, je l'ai vendu $2 et après j'ai hérité de mon premier million, c'est exactement ça. Donald Trump a été fortement aidé par son père qui était riche et il a fait prospérer beaucoup d'affaires, il en a fait capoter d'autres. Il a même fait sa fortune avec des clubs de striptease qui ne s'invente pas. La télé-réalité, voilà, qui est une chose terrible pour la moralité publique. Voilà, et je crois qu'il faudra y revenir quelques secondes. Mais en tout cas, Trump incarne ce rêve de réussite. Et d'ailleurs, le mot réussite revenait dans son discours. Il est là pour dire aux gens, vous pouvez être très petit, mais vous pouvez gagner à la sueur de votre front le rêve américain. Tandis que Hillary Clinton, avec Bill, fait partie d'un établissement perçu comme tel, où en effet, on peut vendre sa conférence $1 million ou 100 000, enfin des montants qui n'ont pas de sens et dont les Américains perçoivent que ça n'a effectivement, c'est totalement indécent. Donc je crois qu'il y a peut-être une part de cela. Je pense que les gens ont plus ont rejeté tout ce que Hillary Clinton pouvait représenter sur le plan matériel d'arrogance, de suffisance, de richesse mal acquise. Mais aussi ces prises de position très favorables à la culture de mort et qui ont mobilisé beaucoup de personnes et que du coup, dans l'autre sens, Donald Trump incarne une réussite matérielle dont les gens rêvent, tout simplement. La success story. Oui, voilà. Et c'est ça qu'il a raconté ce matin, enfin cette nuit. Je vais vous rendre votre rêve, vous allez de nouveau connaître le succès. Et c'est un côté terrible. C'est un très grand film américain. Non seulement c'est une success story, mais connaissez le success story du petit, du vilain petit canard de l'Outsider. C'est encore, oui. Ça marche vraiment. Sauf pas qu'il bien. Ne l'est pas. Il ne l'est pas. Oui, Donald non, Trump vrai, n'est il pas. Paris. Il est pleinement dans cet établissement. Il est, enfin, il est sur toutes les chaînes. Il est dans tous les dans tout. D'ailleurs, il était un généreux donateur du Parti démocrate, si mes souvenirs. Mais aussi du Parti républicain. Oui. Et en même temps. Absolument. Mais il a réussi à apparaître le vilain petit canard. Et ce matin, il y avait un commentaire qui m'a paru très juste, justement à propos de la télé-réalité. Ce commentateur, dont le nom m'a échappé, puisque je ne l'ai pas vu, disait Hillary Clinton et son équipe ont fait une campagne qui était à côté de la plaque, parce qu'ils n'ont pas perçu qu'il ne suffisait pas de faire des meetings, d'aller sur les plateaux de télévision. Ils n'ont pas perçu que cette campagne est celle de la télé-réalité, à laquelle Donald Trump est totalement rompu, puisqu'il y a participé. Il a écrit des livres sur son propre succès. Il a participé à des émissions de télé-réalité. Et il en a produite. Il en a produite. Et il a joué sa candidature comme une espèce de saga télévisée où tous les coups étaient permis, les plus scandaleux. Les gens y sont parfaitement habitués, il ne faut pas croire que ça les choque. Ils ont été fascinés par le personnage. Dans la télé-réalité, le méchant est aussi désirable que le bon. Eh bien oui, je pense que l'analyse n'est pas totalement fausse, même si elle était évidemment hostile. D'accord. Alors, on va changer de sujet tout en restant à Trump. Parmi les messages de félicitations, on a eu celui de Vladimir Poutine. Alors, Camille, je me tourne vers vous, je me demande, au point de vue de la politique étrangère, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'élection de Trump va changer quelque chose, ou pas? Il s'est montré quand même plus isolationniste que ses prédécesseurs. Encore que là, ce qu'on peut dire en faveur d'Obama, c'est qu'il a été beaucoup moins va-t-en-guerre qu'on aurait pu le craindre. Et qu'on l'a cru. Et qu'on l'a cru et que ne l'a espéré, que ne l'ont espéré sans doute ses secrétaires d'État, Hillary Clinton et John Kerry. Absolument. En premier, les deux. Voilà. Va-t-en-guerre parfaite. Voilà. Alors, mais vis-à-vis de alors, est-ce qu'il y avait un partage des tâches? Des tâches, les méchants, le bon. Oui, et il faut ajouter qu'Obama, à titre personnel, n'est peut-être pas beaucoup intervenu, mais il y a quand même eu tous les printemps arabes. Il a suscité beaucoup, pousser beaucoup de désordre qui a été, où l'Europe a été entraînée via l'OTAN, donc on ne peut pas qu'il n'ait rien fait. Enfin. Beaucoup moins quand même dans son livre de souvenirs, tout ce que un président ne devrait pas dire. Hollande se plaint beaucoup que des réticences d'Obama, en Syrie notamment. Parce que lui, c'est un vrai va-t-en-guerre, François Hollande. Oui, absolument, Sarkozy d'ailleurs. Encore plus, parce que Sarkozy n'avait pas mis les pieds en Syrie. Hein. C'est quand même pas encore, mais il aurait été réélu, je suis sûre qu'il y aurait mis les pieds, et avec aux applaudissements de son ministre des Affaires étrangères, Juppé. Oui, puisque Juppé, effectivement, était pour l'intervention, tout à fait exact. Oui, mais alors, vis-à-vis de Poutine, est-ce que, Poutine a fait quelques compliments sur Trump? Est-ce que vous pensez qu'il va s'installer entre Poutine et, comment s'appelle-t-il, et Trump, une relation un peu différente? Parce que là, on est arrivé en quelques années, un petit retour, pas de la guerre froide, mais de relations très fraîches, notamment en Syrie, notamment aussi en Ukraine quand même, parce qu'on parlait de conflits suscités par les Américains. Plus encore en Ukraine, d'ailleurs, et dans les Pays-Baltes. Oui, les Pays-Baltes, mais l'Ukraine, très chaud même. Oui. Alors l'une ou l'autre, comme vous préférez, ou l'une et l'autre? Alors, je me lance. Certes, Poutine a été très mal vu à cause de l'Ukraine, mais ça ne l'empêche pas de vivre non plus. Ni lui ni les autres. L'Europe, je crois, est plus gênée par les sanctions vis-à-vis de la Russie et réciproquement que quiconque d'autre. Donc, oui, il y a beaucoup d'esbrouf, beaucoup d'opposition que l'on lit, dont on entend parler. Et en fait, Poutine fait à peu près ce qu'il veut en Ukraine. Et de même, j'ai l'impression que ce que fait Poutine en Syrie, bien sûr on parle d'une nouvelle guerre froide, on parle des forces de l'OTAN qui s'amassent à la frontière russe, on parle, mais tout cela paraît très relevé du domaine de l'imagerie, plus que d'autre chose, puisqu'on ne l'empêche pas concrètement de faire quoi que ce soit, et qu'il est d'ailleurs suffisamment fort, je suppose, pour ne pas s'en laisser compter, en même temps qu'il participe à toutes les réunions internationales, il est toujours là, je veux dire qu'il est un interlocuteur valable. Oui. Et d'un autre même s'il n'a pas pu assister à l'inauguration de l'exposition de Choukine, la fondation Vuitton, monsieur. Certes. Il y a comme un endroit où il n'est pas persona grata, justement, vraiment, c'est à Paris. Oui. Il y a une exception hollandienne. Oui, parce que là, on est dans l'idéologie pure, je crois. Mais il y a autre chose. Je regarde un petit peu la presse russe qui est, en règle générale, sinon contrôlée, du moins autorisée par le pouvoir ou assez proche. C'est le cas de Russia Today, donc RT, je les regarde en français, en anglais, en espagnol. Alors, je trouve ça assez amusant parce qu'en français, on les sent assez proches des mouvements pro-famille, on les sent assez proches de Marine Le Pen. En même temps, ils mettent régulièrement en ligne des articles ou des films très favorables au mouvement ouvrier français. C'est amusant. En Espagne, vous avez le site rt.com, oui, en langue espagnole, qui, lui, est plutôt favorable à Podemos, qui est l'extrême-gauche. Et il reste, quand on les regarde bien, il reste quand même très, très lié à tout ce bloc. Chine, Iran, Russie, Venezuela, Cuba, tout ça, c'est une espèce de ceinture dans laquelle on a l'impression qu'il voudrait attirer Donald Trump. Alors, on a ce paradoxe, le soutien plus ou moins discret, mais réel à une Marine Le Pen, le soutien réel à un Podemos, le soutien à peine voilé à un Trump. Tout ça, c'est une manière de pousser les atypiques contre un établissement financier peut-être plus soudé en face, mais toujours avec une logique de grand bloc et avec une logique... L'axe du mal. L'axe du mal, oui. L'axe des voyous. L'axe des voyous. Les États voyous, les rock États states... Oui, je pense que les relations, tout dépendra qui Trump nommera au Département d'État en 20 janvier prochain. Oui, ça c'est une grande question. C'est une grande question. Oui. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans son discours inaugural, qui a été quand même très regardé, il a salué Hillary Clinton, la bonne combattante, dans son combat difficile. On doit tellement. À laquelle on doit tellement. Y compris dans son action pour l'État. Alors là, je dois dire que les bras m'en sont tombés. Oui, moi aussi. Moi aussi. Oui, j'ai été très désagréablement surprise en entendant ça. Parce qu'il a bien dit, il a parlé, la secrétaire d'État. Absolument. La secrétaire d'État. Donc ça revenait à... Or elle a été catastrophique. Catastrophique, avec toutes les casseroles personnelles qui la suivent en outre. Oui. Il y a les casseroles personnelles, mais aussi une politique catastrophique. Oui, absolument, les deux. Donc ça veut dire que Trump, une fois devenu président, avalise tout ça. C'est l'impression que nous avons eue, je crois, Camille. Son discours ne m'a pas m'a rendu plutôt sceptique quant à sa véritable volonté d'agir. Oui, j'étais comme vous. J'étais comme vous. Bon, donc on s'est encore une fois réjoui pour rien. Non, nous sommes dans une insurrection inutile. Non, il y a quand même cette formidable claque à l'hyperclasse mondiale, comme dirait Jean-Yves. Mais l'hyperclasse mondiale, malheureusement, a de la ressource. Alors là j'ai vu quelque chose de rigolo. C'est que le conseiller de Donald Trump, alors là c'est plutôt un signe d'espoir, son conseiller pour le Proche-Orient s'appelle Walid Fares. Oui, Walid Fares, c'est un Libanais. Qui a été très proche de Chrétienté Solidarité. Et qui avait très bien reçu Chrétienté Solidarité au Liban, et qui parle très bien, et qui connaît extrêmement bien la situation. Donc on a ces espèces de rayons, ces rayons que l'on découvre dans le personnage Trump, qui se fait conseiller par d'excellentes personnes. Et voilà, c'est toute l'ambiguïté ce sont les variations du personnage. Oui. C'est frigolique. Mais je pense que les relations entre Poutine et Trump devraient être plutôt bonnes, parce que ce sont deux hommes de communication qui ont, plus ou moins, font appel aux mêmes ficelles pour la vulgarité assumée quand Poutine avait dit qu'il chasserait les terroristes tchétchènes jusque dans les chiottes. Il buterait jusque dans les chiottes même. C'est, je cite, entre guillemets, c'est pas une façon très jolie de dire, hein, pas très courtoise. Non. Mais avec des théories, c'est peut-être aussi la seule solution. Bon, mais en tout cas, c'était pour cette maîtrise du verbe quand on s'adresse au peuple. Les deux hommes l'ont, en tout cas. Oui. Est-ce qu'on peut les qualifier de populistes pour cela ou... Ah, il y a, en tout cas... Il y a une tonalité populiste. Oui, mais Trump, enfin les partisans de Trump, certains le comparent, parce qu'il parlait de la France, c'est des gens, je ne sais plus quelle interview, et il le comparait plus à Sarkozy qu'à Le Pen, c'est-à-dire à quelqu'un qui sait utiliser le vocabulaire de la communication populiste à ses fins propres. Et c'est peut-être le cas de Poutine, et c'est peut-être le cas de Trump, je ne sais pas. Mais c'est visiblement, actuellement, le vent souffle des peuples, et les gens avisés utilisent ce vent pour avancer. Que Trump, ça me paraît clair. Clinton, elle, s'est complètement vautrée, parce qu'elle est totalement incapable de faire cela. Et je pense qu'on y viendra peut-être tout à l'heure, mais au point de la primaire à droite, on voit très bien monter Sarkozy pour la même raison. Je suis frappée par le fait que le Forum économique mondial et d'autres voix très évidemment mondialistes, qui le sont de manière totalement assumée, s'inquiète actuellement de la mauvaise presse que peut avoir le mondialisme. Et on est en train de dire un mauvais vent souffle parce que le peuple se sent floué, sent qu'il est perdant dans cette affaire. Donc il faut sans doute changer de discours, il faut appeler les choses autrement, il faut changer de vocabulaire, il faut il faut embobiner les gens autrement. Oui, voilà. Et il faut lâcher de temps en temps un peu de lest. Voilà. Par exemple le Brexit, par exemple Trump. Dire ce qui m'a frappé, je ne sais pas si c'est. Mais enfin, il faut toujours rappeler quand même l'histoire du référendum de 2005 en France, comment il a été. Qui était très nettement contre le. Le traité de Lisbonne. Qui n'était pas encore le traité de Lisbonne. La Constitution, enfin, de Valéry la Constitution européenne. Et comment le populiste Sarkozy a. Oui, mais justement, il a sauté l'obstacle. Et il a dit qu'il le ferait en plus. C'est-à-dire qu'il peut même se prévaloir de l'adhésion du peuple parce qu'il a été élu. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Oui, alors justement, je crois que ces gens-là ont peut-être, justement, comme le dit Jeanne, appris depuis. Parce que sur l'affaire du référendum qui a tout de suite été suivi par le traité de Lisbonne, ils se sont suivis un peu trop les pieds sur le dos justement du vote populaire. Et peut-être que maintenant, ils ont compris qu'il faut être un peu plus habile, un peu plus populiste, entre guillemets. Et je dirais plus, quand on lit justement cette production du Forum économique mondial, qui est très intéressante du point de vue des objectifs mondialistes, et puis tout ce qui navigue autour, il y a l'idée qu'il faut plus de socialisme, plus d'égards pour les besoins du peuple, qui doivent évidemment être servi par l'État, et c'est un peu peu ce qui s'était passé pour le référendum français sur l'Union européenne. Ça me frappe. À l'époque, il y avait eu un non très net. Je crois que c'était 54%, si ma mémoire est bonne. Mais il y avait tout un pan de ce non qui était attribué à tort ou à raison, mais en tout cas médiatiquement, au ras-le-bol face au libéralisme, et en disant il faut absolument quand même qu'on ait quelque chose de plus intégré, une plus grande surveillance mondiale, plus de règles, plus de... Donc, en ce sens, même les réactions antimondialistes peuvent être parfaitement utilisées à des fins mondialistes et à des fins d'un socialisme mondial, pour le coup. Absolument, absolument. Et puis, il y a un autre élément, moi, qui m'a frappé, je vais vous en donner un exemple, je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est que pendant l'insurrection populiste, les thèmes mondialistes continuent à se répandre. Par exemple, cette élection présidentielle est un plein succès pour Bush. En même temps, elle remet en selle, aussi bien au Sénat qu'à la Chambre des représentants, le Parti républicain, ça c'est clair. Mais dans plusieurs États, il y avait des votes associés. Et dans plusieurs États, il y a eu des demandes de légalisation du cannabis. Oui. Or, en France... Du mariage gay. Voilà. Aujourd'hui, aussi en France, vous avez un comité, alors je ne sais plus lequel, c'est un de ces nombreux comités de Théodule, qui recommande au Parlement de légaliser le cannabis. Et on voit que les élites, entre guillemets... D'ailleurs, George Soros est dans l'affaire, hein, dans le lobby pro-cannabis. Pendant même qu'ils sont battus, en quelque sorte, aux élections, ils continuent à avancer leur révolution, leur proposition. Moi, ça me paraît tout à fait clair. Hein. Il y a une chose intéressante qui s'est passée à Rome le 8 novembre. Le pape François a reçu Emma Bonino au Vatican. Emma Bonino est une figure de proue du Parti radical italien et tout son combat en tant que commissaire européen a été de lutter pour la légalisation des drogues dites douces et du cannabis. Alors, elle était chez le pape François pour parler de l'intégration des immigrés. Mais elle participait, ou en tout cas elle soutenait le 6 novembre, une marche du Parti radical pour l'amnistie des prisonniers. Alors l'amnistie des prisonniers, dans le cadre de l'année jubilaire de la miséricorde, ça ne s'invente pas, de la part de ce parti laïciste, c'est quand même assez rigolo. Et en fait, légalisation du cannabis, ça fait longtemps qu'elle la demande, de même qu'elle demande l'abolition des lois contre les immigrés clandestins, parce que, dit-elle, si les prisons italiennes sont pleines, c'est parce qu'il y a des lois. Ce sont les lois qui fabriquent les criminels. Parce qu'il y a une loi contre le cannabis, et bien du coup, on a un narcotrafic. Et du coup, il y a du monde en prison. Et c'est honteux, parce qu'on est très mal en prison. Thèse, oui, qui est défendue en France par la sénatrice verte Esther Benbassa. Tout à fait. Donc c'est la même chose. Or, elle, Madame Bonino, elle est reçue par le souverain pontife. Honnêtement, j'ai le cerveau qui part... totalement en vrille actuellement. Ils ont tout à fait raison. S'il n'y avait pas une loi qui s'appelle « Tu ne tueras pas », il n'y aurait pas de gens en prison pour meurtre. Non, ce serait beaucoup plus pratique. D'ailleurs, ça existe, vous savez, avec l'avortement. Oui, exactement. Alors, on va quitter Trump et le halo Trump pour parler très rapidement de deux ou trois autres sujets, parce que le temps passe. Une annonce d'abord, il est 18h58, je rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de la liberté surveillée, je vais présenter ce soir par moi-même, Martin Pelletier, et nous sommes au Club de la Presse avec Camille Gallic et Jeanne Smith. Alors, Camille... vous avez remarqué que c'était l'anniversaire de la Révolution hongroise. C'est tout de même un grand moment. Et personne n'en parle. Est-ce que ça n'intéresse plus personne ? Je crois que, en tout cas, il y a eu très peu de manifestations. Le Centre culturel hongrois, bien entendu, a fait quelques soirées et un dépôt de gerbes. Mais enfin, c'est passé complètement inaperçu. Or, tout de même, la révolution hongroise succédant au rapport Khrushchev avait ébranlé le bloc communiste et ceux qui le soutenaient oui. en Europe. Beaucoup de gens avaient quitté le parti après la répression de l'insurrection hongroise. Bon, c'est oublié. Est-ce que c'est pas causé par deux faits? Le premier, c'est qu'il y a toujours une préférence communiste latente dans notre appareil mental et politique. Et le deuxième, c'est que la Hongrie aujourd'hui, c'est très méchant. Le vilain, c'est des méchants. Ah oui, c'est très méchant. Ils n'acceptent pas leurs migrants. Justement, il y a eu c'est un socialiste, un député socialiste dont j'ai oublié le nom, qui a dit que l'attitude de la Hongrie vis-à-vis des migrants était scandaleuse, alors que nous avions, après la répression de l'insurrection de Budapest, accueilli si généreusement des réfugiés hongrois. Alors il ne faut peut-être pas exagérer, parce que nous avons certes accueilli à l'époque 10 000 réfugiés hongrois. La Suède, pendant le même temps, en accueillait 6 000. Alors, il y a une différence de population. Et d'autre part, c'était un petit peu intéressé, parce que sur ces 10 000 réfugiés, 3 000 se sont engagés dans la Légion étrangère. Alors, ça tombait bien de renforcer la Légion étrangère alors qu'on était au plus fort de la guerre d'Algérie. Il y a ça, il y a aussi le fait que quand même il y avait une véritable guerre provoquée à Budapest, alors que aujourd'hui quand on voit certains quarts de migrants qui sont tous des athlètes du plus beau noir, on se demande s'il y a vraiment un quartier noir à Alep, parce que je ne vois pas que ces réfugiés fuient. Bon. D'accord. On ne parle presque plus d'ailleurs à Stalingrad, on ne parle absolument pas de Syriens, on parle d'Érythréens et de Soudanais. Donc on est fort loin d'Alep et de Raqqa. Oui, sauf si nous sommes mal formés en néo-géographie, effectivement. Oui. C'est vrai. Je vais lire quelques questions, quelques observations de lecteurs. Une question qui vous est posée, puisque vous êtes des spécialistes de politique étrangère. Le tsunami Donald Trump pourrait-il se propager outre-Atlantique dans un même rejet des professionnels de la politique, des Sarkozy, Juppé, etc., et favoriser un outsider comme Macron? Il me semble que Macron est dans le système jusqu'au cou, enfin, même plus que jusqu'à l'extrémité de sa belle chevelure bien coiffée. Et Donald Trump, avec la sienne, avec son petit auvent, très, très, très intéressant, et bien lui aussi, il ne faut pas non plus dire qu'il n'est pas dans le système, puisque tout son appareil... républicain y est parfaitement. Il s'est entouré de beaucoup de gouverneurs. Il a le soutien de 200, je crois, généraux et amiraux américains. Il est quand même. On ne peut pas dire qu'il ne soit pas dans le système. Il y est. Il est entouré, il faut le dire, de certains qui sont très intéressants. Je pense à Jeff Sessions, qui est donc ce gouverneur qui a lancé l'alerte depuis le côté républicain contre les traités transatlantiques, mais aussi transpacifiques. Donc, il est intéressé. Il est entouré de gens qui veulent dire autre chose, mais qui en font tout de même partie. Donc, je crois qu'on n'échappe pas à la classe politique. Non. D'accord. Alors, il y a quand même quelques auditeurs qui prennent la défense, en quelque sorte, comme si nous l'avions attaqué, de Donald Trump. Il y en a un qui nous dit, je vous écoute depuis 18h24, non pas 1824, je vous trouve bien défaitiste, pessimiste au lendemain de ce bouleversement. C'est une fantastique victoire contre le système, l'oligarchie, les médias et leurs sondages, la manip par l'excellence. Et pour ceux qui s'inquiétaient un petit peu de son discours de politique générale, Donald Trump a toujours censé se faire vaincu après les avoir attaqués sauvagement. Cela fait aussi partie d'un certain fair play à l'américaine. Oui, sans doute, mais c'est pas parce qu'on est fair-play qu'on doit avaliser l'action de secrétaire d'État. Non, mais j'espère très sincèrement que ce lecteur a raison. Enfin, oui, Jeanne et moi, et vous, Martin, nous souhaitons que notre pessimisme soit pris en défaut. Sachant que Donald Trump s'est entouré pour la politique étrangère aussi, il s'est entouré aussi de gens qui font partie du conseil, Council on Foreign Relations, qui est le conseil des relations étrangères, qui est parfaitement mondialiste. Parfaitement. Il y a des tas de questions qui se posent. Alors, je crois qu'on ne demande que ça, Camille, comme vous le dites. Absolument. Qu'il tombe pour une fois bon qu'on côté. Ait une bonne... Vraiment... Voilà. C'est-à-dire qu'il est, c'est un mélange adulte de tout et on voudrait qu'il tombe du bon côté. Oui, très sincèrement, je souhaite pour les États-Unis, pour l'Europe et pour le monde, qu'ils remplissent tous les espoirs que les Américains et donc beaucoup d'Européens aussi ont mis en lui pour une véritable, pour une révolution anti-mondialiste. Je dirais qu'il y a une chose qui est acquise grâce à son élection, et je pense qu'il faut la souligner et la saluer, c'est sa promesse, et je pense qu'elle peut être suivie d'effet, parce que sinon ça ferait vraiment du gros dégât, sa promesse de faire respecter la liberté religieuse aux États-Unis et de ne pas aller complètement dans le sens de la culture de mort. La liberté religieuse, on ne le dit pas assez, est très fortement attaquée aux États-Unis par le lobby LGBT, qui veut faire passer tout le monde sous les fourches caudines du respect de toutes les identités sexuelles, de toutes les identités de genre, et qui veut conditionner la participation à la vie sociale par cela. On a vu des gens perdre leur emploi alors qu'ils refusaient de faire des gâteaux pour des mariages homosexuels. Je pense que, très sincèrement, Donald Trump ne pourra mettre fin à cela. Peut-être qu'il y mettra fin. Mais ce que l'on sait, c'est qu'avec Hillary Clinton, ça aurait été 10 fois pire, 10 fois accéléré. Et je pense que là, on a vraiment une raison de se réjouir. Même chose pour l'avortement, où Hillary Clinton a soutenu à fond le planning familial. Là aussi, je pense que c'est peut-être une des raisons d'un certain vote noir. On sait très bien que le planning familial a beaucoup d'implantations dans les quartiers les plus pauvres et que la population noire est la plus atteinte par l'avortement aux États-Unis. Je pense qu'il y a tout ça qui joue. Et où Donald Trump donne un espoir réel. Un espoir. D'ailleurs, une auditrice, cette fois-ci, nous signale que le Salon Belge vient d'annoncer que Trump a déclaré qu'il choisirait pour la Cour suprême un juge pro-vie, pro-mariage et pro-famille. Donc ça va dans le sens que vous dites. Il l'avait dit, mais est-ce qu'il a donné son nom? C'est question. Tant que ce n'est pas fait, voilà, nous sommes simplement dans l'expectative. Oui, puisque sa politique, il ne nous la montrera véritablement qu'à compter de janvier, comme vous le disiez, forcément. Camille. Forcément. Alors, quelqu'un plein d'humour qui nous fait remarquer qu'il est normal d'être considéré comme un vilain petit canard quand on s'appelle Donald. Et une question, est-ce que Donald Trump tiendra parole au sujet des musulmans? Ben, je dirais, c'est comme tout, on va voir, je crois qu'on ne peut pas là... dire plus à propos de Trump qu'on va voir, parce que là, pour l'instant, rien n'est décidé. Bien, quelques mots de politique et intérieure maintenant tout de même. La primaire à droite, alors, la primaire à droite... Comment voyez-vous les choses? Comment voyez-vous Jean-Frédéric Poisson? Comment voyez-vous Bayrou? Comment voyez-vous Juppé, Sarkozy et Fillon? Qui veut répondre? Qu'est-ce qui va sortir de ce, comment dirais-je, je ne peux pas être grossier, mais de ce désordre? D'un point de vue très égoïste, je dirais que l'un me paraît... avoir un bon point, c'est Jean-Frédéric Poisson qui a mis dans son programme l'abolition des lois mémorielles. abolition à laquelle je suis très attachée. En effet, elle y est. Et Des raisons. On ne l'attendait pas de lui, pas forcément. Voilà. Et or, il le dit, et il dit très clairement, que, de manière philosophique d'ailleurs, que des lois qui empêchent le libre débat historique sont des lois antidémocratiques, puisque elles empêchent, elles considèrent les électeurs, enfin les citoyens, comme non adultes et analphabètes. Donc, je trouve son raisonnement très bien. Sur le reste, je ne me prononcerai pas. Je dois dire qu'il tranche pour moi par rapport aux autres, en ce sens qu'il a mis en tête de programme ce que les catholiques, après Benoît XVI, appellent les principes non négociables, c'est-à-dire ceux qu'il faut respecter pour arriver à avoir une société à peu près cohérente. Il demande le respect de la vie, il demande le respect de la mort avec les soins palliatifs. Il demande, et ça c'est très intéressant, c'était déjà le cas du PCD en 2012, il demande une plus grande liberté scolaire et notamment la possibilité et le fait de favoriser les écoles hors contrat. Et toutes ces choses-là me paraissent intéressantes et originales, même si sur l'avortement il refuse d'aller jusqu'au bout puisqu'il est contre l'abolition de la loi Veil, pour le respect de la vie, mais contre cette abrogation. Oui. Mais le fait qu'il soit pour l'enseignement, pour un enseignement libéré, je pense que c'est peut-être la chose la plus fondamentale à faire aujourd'hui, avec toutes les réformes qui nous tombent dessus, avec les menaces qui pèsent sur les écoles indépendantes, la menace d'un contrôle idéologique, notamment par décret du 28 octobre. Je pense que là, il a réellement touché à des points essentiels. Et rien que pour ça, j'espère vraiment qu'il se démarquera. Je crains que non, mais parce que je suis peut-être d'un naturel trop pessimiste, comme l'ont observé quelques auditeurs. Mais là, il a un courage et il a une cohérence qui me paraît importante. Moi, je suis encore bien plus pessimiste que vous toutes les deux réunies, parce que c'est une question, c'était la phrase de Jean-Marie Le Pen à Jacques Chirac en 1986, après le discours de politique générale, et il avait dit « la confiance ne se décrète pas, on a ou on n'a pas confiance ». Eh bien, je n'ai pas, moi personnellement, comme spectateur, je n'ai pas confiance en Jean-Frédéric Poisson. On l'a vu. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'il a une tendance à louvoyer beaucoup trop, notamment quand il a été attaqué sur cette affaire de l'obitionniste. Et puis surtout, ce que vous dites est fondamental. C'est vrai que, à long terme, la réforme de l'éducation nationale, donc de ce qu'il y a dans les têtes des jeunes enfants, est vraiment primordial. Mais actuellement, la maison brûle. Et la maison brûle, et il refuse les seaux pour l'éteindre, pour éteindre l'incendie, puisqu'il est contre la préférence nationale. Et sur des questions vraiment importantes comme l'immigration, il n'est pas du tout net. Il refuse, il a critiqué, on peut toujours critiquer le Front National, et je ne me prive pas de le faire, mais sur les questions de défense de l'identité nationale, on voit bien qu'il prend une distance très nette avec, justement, le camp national. Je me demande pourquoi. Je pense que c'est constitutif de sa personnalité politique, et que donc il est, de ce point de vue-là, dans le camp du système. Là où c'est vrai, je vous rejoins, c'est que sur la question, je dirais, la question éthique, il ne semble pas dans le camp du système. Mais alors, il me semble chauve-souris. Voilà. Pour moi, c'est les démocrates chrétiens. Les démocrates chrétiens. Voilà. Et moi, personnellement, je comprends très bien qu'on soit chrétien. Voilà. Très joli. Alors. Quant aux autres, on a l'impression que Bruno Le Maire et Kosciusko Morizet font tout pour être les premiers ministres de Juppé au cas où Juppé serait président. Mais alors justement, est-ce que l'affaire Trump ne va pas avoir une incidence sur la politique française ? Je veux dire, est-ce que justement le vent populiste ne va pas complètement déstabiliser la stratégie Juppé. Parce que lui, il et est le pas, ringardisé. Il est complètement ringardisé. Normalement, il devrait être complètement ringardisé. Et Sarkozy doit se frotter les mains, puisqu'il a choisi, tout en n'ayant lui-même aucune conviction, de tenir le créneau populiste. Et là, évidemment, c'est ce qui va c'est marcher. C'est un boulevard pour lui, certainement. Certainement. Comment... Enfin, il ne faut jamais faire de pronostic, comme disait un des auditeurs que je n'ai pas lu. Mais quand même, là, actuellement, il me semble que Sarkozy doit se boire du lait, se lécher les babines, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça, c'est sûr. Il s'est félicité, enfin, oui. Il ne s'est pas félicité de la victoire de Trump, mais il a dit que c'était une réaction contre la pensée unique, ce qui est quand même à cet ordre de rire. Oui, mais il n'est pas une... C'est ça qui est bien que Sarkozy, il est tout à fait décomplexé. Ah, tout à fait, tout à fait. Bon, et le départ du ciel du Rassemblement Bleu Marine, ça vous inspire quelque chose ? Parce que le ciel, c'était, je ne dis pas que c'est quelque chose d'énorme, le ciel, mais c'était un petit parti qui pouvait donner l'impression que le Front National allait pouvoir... donner une forme structurée, comme on dit en français nouveau, l'espace qui est entre lui et la droite. Donc, avec le départ du ciel, le Rassemblement Bleu Marine, qu'est-ce que c'est devenu ? Je ne sais pas. Pour moi, le Front National a tellement d'attaches aux idées de gauche que ça ne me surprend pas plus que ça. Camille ? Oui, idées étatistes et laïcistes. Oui, voilà. Oui. Le ciel me paraissait difficilement compatible, en effet, et a fortiori avec le Rassemblement Bleu Marine auquel il était associé. Il y a une phrase magnifique de Karim Ouchik. Il avait été en janvier dernier interrogé par Libération et il disait qu'il était vain de tenter de défendre la souveraineté nationale alors que se produisait une révolution anthropologique qui transformait totalement le peuple français. C'est tellement vrai. Oui, oui, mais alors, si on tire les conséquences de c'est tellement vrai. De cela, quelles conséquences en tirer ? À part le suicide, qui n'est pas recommandé. Pour moi, je crois justement qu'il faut se placer, et c'est pour ça que je regarde avec attention le programme, je ne sais pas ce qu'il en ferait, de Jean-Frédéric Poisson. Je pense qu'il y a, un certain nombre de préalables, appelons-les éthiques, qui justifient ou qui ne justifient pas qu'une nation se sauve en tant que telle. Lorsqu'un pays refuse ses propres enfants, eh bien, il est finalement normal qu'elle, hélas, que d'autres viennent occuper la place. Et donc, si on n'a pas ce que Madiran appelait le redressement intellectuel et moral d'abord, mais comment est-ce, oui, on peut sans doute éteindre des incendies, mettre des colmater des brèches, mais comment relever un peuple qui se suicide effectivement en refusant ses propres enfants par de multiples moyens. C'est le refus des naissances des petits Français par l'avortement ou la contraception. Nous sommes complètement d'accord, mais je récuse le terme suicide parce que ce qu'on a vu depuis 1974, et l'année 1974 est très, très, très, très importante, c'est le moment où l'indice de fécondité synthétique des femmes françaises passe en dessous du seuil de renouvellement des générations, donc le problème est vraiment démographique, et le moment, 74-75, le moment où la loi Veil est instauré, et le moment où le regroupement familial est instauré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suicide, il y a assassinat. Oui, tout à fait délibéré. Voilà, délibéré. Il y a, je suis d'accord avec vous. Prémédité et délibéré. Je suis tout à fait d'accord, mais le fait est qu'il y a eu hélas, une adhésion à ce modèle. Il y a aujourd'hui, on n'est plus dans la tyrannie génocidaire qui est imposée du dehors. On est dans la culture de mort qui vient de l'intérieur et qui est assimilée et acceptée. Et je pense que c'est beaucoup plus grave. Ah, mais je suis entièrement avec vous. Mais oui. Je pense aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, Camille, mais que la solution est synergique, c'est-à-dire qu'il faut battre la culture de mort, et il faut en même temps rétablir l'amour de l'identité et de la préférence nationale. Je crois que ça va ensemble, me semble-t-il. C'est ce que je ne comprends pas, c'est qu'on marche que sur une jambe. Oui, et de fait, je pense que c'est ça le grand problème d'un parti comme le Front National, c'est de marcher peut-être que sur une jambe, ou on est dans une espèce d'adhésion ou de refus, de rejet de la culture de mort, parce que c'est une affaire de cato, et en réalité, on est là au fond des questions. Justement, avec ses défauts, Jean-Marie Le Pen avait une conception bien plus globale et plus juste de la question. Mais voilà, c'était la très grande différence. Il marchait sur deux jambes. Exactement. On est d'accord. Malheureusement, il avait d'autres défauts. Et ça, c'est une autre question, un autre débat sur lequel on... Alors, il y a beaucoup de gens d'autres messages qui arrivent. Trump a été élu parce que c'était un homme. Clinton était trop fragile, on l'a senti. C'est pas parce que c'était un homme, c'est parce qu'elle est malade, je crois, franchement. Oui, parce que Theresa May, excusez-moi, après Thatcher, a donné un autre exemple. Parce qu'il y en a qui sont solides. Bon, il faut voter Marine Le Pen comme Trump a été élu aux USA, oui, par défaut, probablement. Chers amis... Oui, il faut voter Marine Le Pen. Je voudrais vous recommander l'interview faite par Charlotte Dornelas, du cardinal Sarah, il y a quelques jours à Paris, où elle lui a justement posé la question de l'avenir de la France, et où il lui a dit, mais comment voulez-vous... En gros, je cite des mémoires, comment voulez-vous avoir un avenir dans l'état où vous êtes, dans l'état de rejet de la vie et de la vérité où vous êtes. Donc c'est vraiment, si on ne passe pas aussi par là, comme vous disiez, Martin Pelletier, ben on ne va nulle part. On claudique. Oui, on saute à cloche-pied. Oui. Ah oui, chers amis, ne confondez pas le discours de Trump, qui est un mot de remerciement à ses supporters dans un climat de consensus avec ses adversaires, avec... un discours de politique générale. Oui, il ne faut pas confondre, mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour avaliser la politique de secrétaire d'État Clinton. Il ne s'agissait pas de la candidate Clinton, mais du secrétaire d'État Clinton. Voilà. Clinton, c'est un homme qui nous fait... Je n'ai pas regardé les résultats. Clinton aurait plus de voix que Trump. C'est bien possible, c'est souvent le cas dans... Je ne sais pas non plus. C'est souvent le cas étant donné... Quand je suis système. Partie, on n'avait pas encore les chiffres. Il y avait les grands électeurs, mais pas... Alors, les grands électeurs, justement, au point de vue de l'arithmétique, il y a 538 grands électeurs, si je ne me trompe. 279 plus 218, ça donne 497, je pense. Oui, c'est ça. Alors, oui, mais il y avait encore plusieurs États. Il y avait le New Hampshire, il y avait plusieurs États sur les cartes qui étaient en gris, parce que les décomptes n'étaient pas terminés. Voilà, donc on arrivera à un peu plus de 300 grands électeurs pour Donald Trump. Alors, j'avais plein d'autres sujets, dont la primaire à gauche, parce qu'il faudrait quand même dire un mot de François Hollande et des autres. Est-ce que vous pensez, simplement on a deux minutes pour parler de ça, est-ce que vous pensez que François Hollande sera candidat et pensez-vous qu'il y aura un seul candidat à gauche ou pas? Voilà. Je n'en ai aucune idée, Martin. D'accord. Il n'y en aura sûrement pas un seul, hein, puisque déjà il y aura Mélenchon. Et Jadot iront de toute façon. C'est ce qu'il a dit, en tout cas Jadot. Et si Macron se prononce, donc il y aura quatre candidats. Oui, Macron comme candidat populiste, enfin... alors. Comme je plaisante. Eh bien écoutez, il est dit, nous n'avons plus que maintenant que 3 ou 4 minutes. Je rappelle que vous écoutiez Radio Courtoisie, le libre journal de la Liberté Surveillée avec Martin Pelletier, moi-même, et donc Camille Gallic et Jean Smith pour le Club de la Presse. En deuxième partie, je vais recevoir Jean-Paul Mangin, qui est secrétaire général de SES Éducation. Mais avant de nous quitter, j'aurais aimé avoir votre conclusion sur la politique, que nous avons passée en revue. Une minute, Camille. Bah, ça a été de toute manière une soirée chargée ce soir. J'aurais juste voulu dire un mot de... du Bataclan, du Bataclan et du Stade de France, dont on va qu'on va commémorer avec beaucoup de pleurs à nouveau, de bougies, etc. Dimanche, et les mêmes mensonges continueront à être proféré et la vérité enfouie, alors même que le rapport parlementaire de la commission précisée par Fenech avait montré les horreurs commises par les terroristes au Bataclan, dans les étages du Bataclan, énucléation, éviscération, etc. Et quand on en avait parlé au début, ça avait été qualifié d'élucubration d'extrême droite. Oui, la vérité est une élucubration d'extrême droite. Voilà. C'est joli. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Camille. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir chers auditeurs. Et j'espère à bientôt. Au revoir.